que tu fais pas du rap, moi je décris le terre à terre. Dark Platinum, ma team t'enterre à terre. Qui m'a aidé quand j'étais à terre. Sur mes deux clubs, coupe militaire à terre. Qu'est-ce qu'y a frérot? T'as 40 ans, tu grattes des blondes. Pendant que moi je charge des brunes, je prends des snaps, je fais des rondes. Qu'est-ce qu'y a frérot? Tu fais le vicieux 7 sur 7. Tu fais trop le gros pour rien, tu fais poussette sur poussette. Qu'est-ce qu'y a frérot? Tu veux une toffe comme si j'étais le héros. Depuis que j'ai percé, les flics me regardent plus comme si j'étais un vendeur d'héros. Pour les bandeurs d'euros, qui dit je t'aime, t'es kéro. Je te connais pas, t'es qui toi? Tu connais le cousin là, t'es beau. Soit tu sens t'es un gros, quand on s'embrouille, tu me demandes t'es d'où. Patate dans tes dents, partie du T2 pour finir dans le T12. Ça gratte des sticks, sticks. Aïe aïe aïe, des portières cric cric cric. Mais grave, grave, grave, je connaissais pas cette ruelle pour aller au béton. A dire que ce soir, je m'endormirai moins con. Laissez tomber les gars, je trace ma route, je mets les gars. Je me mélange pas avec tous ces gens, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les fonds, malgré les vrais. Je me lâche au micro, je vais me délivrer. J'ai trop les crocs, je monte les deux grands, va te niquer de force ou de gré. De loin ou de près, ouais, on va te niquer pour de vrai. C'est la rue qui parle, ça se bute pour des histoires de près. Et arrête de faire le fou, de dire que tu vas charcler des gens. Vends eux tes jeunes, tu les suces comme si c'était des légendes. A force de fumer, je me crase les joues, mais faudrait mieux que je me casse le cerveau. Sors des grosses caisses, ça casse des gros coups que pour faire le beau. Ça se montre au quartier, en boîte, ça boit des verres d'eau. Et ouais, bro. Parlaine monte un peu le verre trop. Tout le monde rigole et lui il croit qu'il a l'air drôle. Peu de gens m'ont aidé alors c'est tout seul que je me débrouille. Soube chercher mon feu alors qu'il était posé sur mes couilles. Je peux compter sur le sang et lui peut compter sur Joule. Et lui peut compter sur Joule. Je suis au quartier, c'est mort, on se regarde tous dans le blanc des yeux. J'ai pas fréquenté ceux qu'on mis le nez dans la CSE. J'aime ma TSE, j'aime les gros boules. Ouais, j'aime ma TSE qui font pas de vagues. Grand comme un Kinder avec un peu de graisseux et j't'agresse. Au mic, quand j'ai le boucan le matin, tu lances des pics, me rends matin. Et dire mon nom, petit catin. Et j'sais que t'es par terre, mais j'sais que tu parles de guerre. Tu m'aimes pas, moi j't'aime guerre. J'fais bien mon job comme Heisenberg, comme Arsène Wenger. J'suis un vainqueur, pas de perdant dans mon équipe. J'suis pas ta pute, gros. Y'a pas dans les kits, non, y'a pas dans les kits. Arme russe, ma boule cagoulée. Sur le tom-tom y'a le kit, y'a le shit. Tu mets des baffes, mon son dans les baffes. Dans les bacs ou même si je mets des baffes. Faut sud je débarque en claquette, survette. Non pas de débat, pas de débardeur. L'ingé va passer un très bon quart d'heure. Sert à rien d'avoir la pulse qui doit arriver, arrivera. Je bois tout pour ça qu'il y en a qui rentrent, d'autres qui sont libérables. Balafré à vie comme Ribéry. On vit dans ce monde où l'attaquant attaque le libéro. Je vis là où tellement que ça fume. Ça a peur d'aller boire l'apéro. Une vie ça coûte plus cher frérot. Je peux te donner pour une poignée d'euros. Et je peux te dire que ça fera des heureux. Tellement je peux pas dire ce que ça ferait par intérêt. Ce que ça ferait pas pour t'insérer dans mon entourage. Mais je garde le courage. Hein. Dédicace à ses vannes. On vit rien de sensationnel. Dans ses yeux je m'évanne. Elle est bonne mais elle est connelle. Tiens un gros mitoire et dire que tu donnes des tuyaux toi. C'est pour Harry qui a pas changé. Toujours même avec sa Clio 3. T'aimes bien m'enfoncer. Mais toi tu fais quoi ro? Moi j'ai tellement ta fixe. Si je vais alors qu'il est, je sors un quattro. Moi j'agis, je parle pas trop. Moi j'agis, je parle pas trop. Et les susbites qu'on suspecte d'avoir trahi, on les laisse sur le tech. Des fois fumette, je fume allongé, je me fais des boulettes sur le bec. Je suis dans le RS, je fais des pétards qui passent crème. Tu as fauté mais tu m'en boucades gros, je vais t'appeler le passe crème. Allez au mic, toujours violent, j'ai pas de violence sur le piano. J'essaie de rester moi-même, de pas changer, demande Dora Luciano. Tellement de buzz, je peux plus boire tranquille devant la mise à l'eau. Et on dit rien mais on sait que tu l'as mise à l'autre. C'est pour mes petits salauds, on sait qu'ils ont dit si ça là. Si seulement elles étaient vraies, leur putain de salade. Wesh alors, dédicace Chico, on t'aime si t'es un bon petit. Ce qui parle c'est le cœur pas l'appétit. Nerveux comme Joe Petit, au volant d'un Jaguar. Avec une bonne petite blonde, des feuilles et à boire. J'écris mon texte sur le phone et j'suis en fumette. Parle pas de moi en mal, on s'est vu net. Ça m'espionne derrière les fenêtres. Yeux rouges de rage sous mes lunettes. Yeux rouges de rage sous mes lunettes. Comprends-moi que j'en ai marre de tout. Laisse-moi une occasion que je marque le coup. Pendant que ta folle te marque le coup. Réveille-toi avant qu'on te secoue, secoue, hein. Après ils vont appeler au secours, hein. Ils critiquent Jules mais on sait tous ce qui se gourre. Je me taille, je suis à la bourre. Ou elle me taille ou je la bourre. Ah skip, je fais pas du rap, moi je décris le terre à terre. T'arrêtes pas la team, ma team t'enterre à terre. Qui m'a aidé quand j'étais à terre. Sur mes deux clubs, coupe militaire à terre. Ils se demandent comment. Je les mets dans le coma. Ils se demandent comment. Je les mets dans le coma. Ah skip, je fais pas du rap, moi je décris le terre à terre. T'arrêtes pas la team, ma team t'enterre à terre. Qui m'a aidé quand j'étais à terre. Sur mes deux clubs, coupe militaire à terre. Ils se demandent comment. Je les mets dans le coma. Je te demande comment. Je les mets dans le coma.